Épilogue. Fred referma le carnet lentement. Il n'avait aucune raison de ne pas croire son vieil ami. Il savait que jamais il ne lui aurait menti. Cette histoire était certes difficilement crédible, mais quoi que tout le monde puisse en penser un jour, lui y croirait. Une chose le tarabustait, et il se promit d'en avoir le cœur net. Aussi prit-il une fourche, et à la tombée du jour, lorsque quelques flocons commençaient à voltiger, se couvrant d'un gros pull, il partit vers le vieux pont de pierre. Il enjamba le talus et descendit jusqu'au pied de la pile. Là, il cracha dans ses mains et entreprit de creuser. Il lui fallut une bonne heure avant que sa fourche ne heurte quelque chose de dur et qu'il ne découvre au clair de lune un petit objet luisant. Il se pencha et entre ses mains tremblantes sortit d'un vieux chiffon tout décomposé un scalpel et une chaîne au bout de laquelle brillait encore un médaillon représentant un soleil, l'emblème de Phébus, celui qu'il avait offert à la jeune femme au portrait, Clariane. Un grand sourire sur les lèvres, il revint lentement chez lui et déposa ses trouvailles sur la table de la cuisine. Ainsi la preuve était bien là, il le savait. Il s'attabla, sortit un bloc et, pendant une bonne heure, écrivit une longue lettre. Il prit une enveloppe de papier kraft et enferma le carnet, le médaillon, ainsi que le nécessaire de chirurgie de son ami et enfin sa lettre. Puis il inscrivit l'adresse d'amour sur celle-ci en y scotchant un petit mot. « À envoyer à cette adresse après ma mort ». Grâce au courage et à l'amour d'un homme, à son sacrifice, la malédiction de Gaston Phébus était levée. Il savait que dans peu de temps, il rejoindrait son vieil ami, et désormais, la conscience en paix, il mangea de bon appétit, puis se coucha et s'endormit paisiblement. Fin.